إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، dans cette soirée du samedi 22 janvier 2022, correspondant au 19 Jumada dernier de l'an 1443 de l'Hégire, je suis ravi d'être parmi mes frères en islam et mes frères dans la sunna, dans la mosquée de la sunna de Banaloka à Douala, au Cameroun. Dans cette participation dans le cadre de ce premier séminaire, le premier séminaire de l'imam Malik ibn Anas, organisé au Cameroun. Donc je suis très heureux d'être parmi mes frères et je salue par la même occasion tous les musulmans du Cameroun et tous les musulmans de l'Afrique, et d'une manière générale tous les musulmans de notre communauté bénie, la communauté de l'islam, partout qu'ils soient sur terre, en particulier les francophones parmi eux à qui s'adresse ce séminaire. Donc il m'a été demandé de parler dans cette soirée de l'importance de suivre la sunna. Avant d'entamer ce sujet, comme vous savez, notre communauté dans laquelle il va y avoir du bien jusqu'à l'avènement de la fin des temps, notre communauté traverse des maux et des difficultés, des épreuves, et la cause de tous ces maux que traverse la Oumma, elle est unique. C'est l'éloignement de l'islam, l'éloignement de la religion. Et le remède est bien évidemment également unique. Le remède, c'est un retour sincère vers notre religion, notre belle religion, dans sa beauté et dans son authenticité. Et quand je parle de retour à l'islam, bien évidemment, je vise l'islam sur lequel était le messager alayhi salatu wassalam, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses nobles compagnons. L'islam pur, l'islam purifié de toute forme d'associationnisme et de toute forme d'innovation dans la religion. C'est avec cet islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera la victoire et le triomphe sur nos ennemis, et avec lequel nous obtiendrons la puissance et la force dans cette dunya et la réussite dans l'akhirah. Et ce retour à l'islam passe forcément par l'apprentissage, de notre religion. C'est pour ça que ce genre de séminaires font plaisir et se réjouissent de ce genre d'activité tout musulman qui aime le bien pour sa umma, pour sa communauté, à travers lesquels sont enseignés les bases et les fondements de l'islam. Donc la sunna, comme vous savez, mes très chers frères, la sunna, c'est le deuxième fondement de l'islam. La sunna, c'est le deuxième fondement de l'islam après le livre d'Allah. Et ceci est une unanimité entre les hommes de science. La sunna, yani on veut dire par la sunna la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un argument en soi-même pour toute la communauté. C'est un argument en soi-même, c'est-à-dire d'une manière indépendante. Il suffit que le jugement soit rapporté dans la sunna pour qu'il soit obligatoire à pratiquer par le musulman, celui qui s'est soumis à Allah. Et c'est pas une condition qu'il soit en plus rapporté dans le Coran. C'est pour ça, sunna, c'est une source de législation indépendante. Et celui qui renie la sunna, et qui la rejette, la sunna authentique du prophète, alayhi salatu wassalam, est tombée dans un péché extrêmement grave, qui arrive jusqu'à la mécréance. Et ça représente une apostasie de l'islam, et un abandon de l'islam. Car, avec ce rejet de la sunna, il dément les nombreux versets et ahadith authentiques que nous allons voir dans cette conférence. Il renie ce que Allah a ordonné dans le Coran. Et il rejette le deuxième fondement le plus important de l'islam après le livre d'Allah. Et il rejette également l'unanimité des savants. L'unanimité et le consensus des savants sur l'obligation de suivre la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son livre d'obéir à son messager, alayhi salatu wassalam. Il nous a ordonné de le suivre et de suivre ce qu'il nous a rapporté. Et il a appeler la parole du prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé dans le Coran révélation. Allah azza wa jalla dit: "Wan-najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Sourate An-Najm. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par l'étoile à son déclin. Et Allah il jure par ce qu'il veut de ses créatures. Par contre, la créature ne jure que par son créateur. Et jurer par autre qu'Allah, c'est une forme d'associationnisme mineur. Et ça peut arriver jusqu'à l'associationnisme majeur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Votre compagnon ne s'est pas égaré. Pas plus qu'il ne s'est fourvoyé. Pas plus qu'il soit dans l'erreur. Wa ma yantiqu anil hawa. Il ne prononce rien qui soit dû à la passion. In huwa illa wahyun yuha. Il s'agit d'une révélation qui lui est inspirée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la tradition prophétique est une deuxième révélation. Est une deuxième révélation. À la différence qu'il y a entre la sunna et le Coran. Mais du point de vue de la législation, ils sont égaux. Ils sont égaux. Du point de vue de la législation, ils sont égaux. C'est-à-dire, ce qui est ordonné dans le Coran est comme ce qui est ordonné dans la Sunna. Et ce qui est interdit dans le Coran est comme ce qui est interdit dans la Sunna. Mais la supériorité du Coran, c'est qu'il est la parole d'Allah réelle avec laquelle il a parlé, subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran provient d'Allah entièrement. Les termes et l'essence, contrairement à la Sunna, où les termes sont les termes du prophète, alayhi salatu wassalam, et ce qui lui est révélé, c'est le sens. C'est le sens. Donc si on pouvait ne pas suivre le prophète, alayhi salatu wassalam, et on avait le choix en cela, il ne serait pas ordonné dans ce verset, ces paroles n'auraient pas été décrites comme étant une révélation de la part d'Allah. Selon Hassan ibn Atiyya, il dit كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل القرآن عليه كما ينزل القرآن عليه يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. Donc il a dit, رحمه الله, que Jibril عليه السلام, il descendait avec la sunna sur le prophète, alayhi salatu wassalam, comme il descendait avec le Coran qui lui enseignait. Donc il lui enseignait la sunna comme il lui enseignait le Coran. Ça a été rapporté par l'imam Al-Lalaka'i. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, a rendu obligatoire pour tous les musulmans le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, dans tout ce qu'il ordonne et dans tout ce qu'il interdit. Allah Azza wa Jalla dit: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dans le sens, Allah nous dit: ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, écartez-vous de ce qu'il vous interdit et mettez en pratique ce qu'il vous ordonne. Acceptez-le et mettez-le en pratique. Donc dans ce verset, comme on peut le constater, Allah subhanahu wa ta'ala rend obligatoire le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, et également le délaissement de ce qu'il a interdit, que ce soit dans le Coran ou dans la tradition prophétique authentique, la sunna. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a associé l'obéissance au messager alayhi salatu wassalam à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit, dans beaucoup de versets, il dit: wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Obéissez à Allah et au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Afin qu'il vous soit fait miséricorde. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'obéissance au messager comme il a ordonné l'obéissance à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Gloire et pureté à lui. Et dans la fin du verset, Allah Azza wa Jalla dit: la'allakum turhamun, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Donc, la miséricorde a été conditionnée, la miséricorde d'Allah a été conditionnée par cette obéissance, l'obéissance à Allah et au messager. Et il n'y a pas de distinction entre les deux obéissances, car l'obéissance à Allah, en réalité, car l'obéissance au messager, en réalité, c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. c'est lui qui l'a ordonné. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à répondre à l'appel de son messager dans les choses auxquelles il nous appelle. Il a dit, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle, à ce qui vous donne la vraie vie. Lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Et ça, c'est une description de toute chose à laquelle appelle le messager alayhi salatu wassalam. Toute chose à laquelle appelle le messager alayhi salatu wassalam, c'est la cause de la vraie vie, la cause de la vraie réussite, la cause du bonheur, la cause de tout bien. Tout bien se trouve dans l'obéissance au messager et dans le suivi de sa sunna. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'obéissance au messager une obéissance à Allah. Et il a fait du suivi du messager, alayhi salatu wassalam, un signe d'amour d'Allah. Allah azza wa jalla dit, « مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ Celui qui obéit au messager, alors il aura obéi à Allah. Celui qui obéit au messager, alors il aura obéi à Allah, car c'est Allah qui a ordonné cette obéissance au messager, alayhi salatu wassalam. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا Par contre, pour ceux qui se détournent, quiconque désobéit, alors Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui se détournent de l'obéissance au messager alayhi salatu wassalam, ceux qui manquent d'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam, Allah il dit à son messager, nous t'avons pas envoyé pour être leur gardien. Leur sort appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et leur guider est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui guide qui il veut et qui égare qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, qui parmi vous aime Allah, me suit, qui parmi vous aime Allah, me suive. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est tout absoluteur, tout miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et au messager. Et s'il se détourne, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les mécréants. Ce verset dans Surat Ali Imran, ou plutôt ces deux versets dans Surat Ali Imran. Dans le premier, Allah subhanahu wa ta'ala a fait du suivi du messager alayhi salatu wassalam une preuve de la véracité de celui qui prétend aimer Allah. La preuve que t'aimes Allah, c'est que tu suives son messager prophète alayhi salatu wassalam, Muhammad sallallahu alayhi wassalam, et a fait de la désobéissance au prophète alayhi salatu wassalam dans le deuxième verset une mécréance. Il a fait de la désobéissance au prophète alayhi salatu wassalam une mécréance. Et ça, comme on a vu précédemment, c'est dans le cas où la personne, elle rejette la sunna, la tradition prophétique, tout en sachant que c'est une tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui aime, yani celui qui suit le prophète alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala l'aimera. Allah subhanahu wa ta'ala l'aimera. Dans un autre verset dans sourate Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli al-amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khayrun wa ahsanu tawila. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Remarquez que Allah subhanahu wa ta'ala a répété le verbe pour son obéissance et pour l'obéissance aux messagers. Il a dit: obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Wa ulil amri minkum, et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Mais il n'a pas répété le verbe. Et ceci pour nous indiquer que l'obéissance à Allah et l'obéissance au messager, c'est une obéissance absolue. Tout ce que Allah t'ordonne, tu dois obéir dans tout. Et dans tout ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, également. Contrairement aux détenteurs du commandement parmi nous, contrairement aux savants, contrairement au gouverneur, où leur obéissance est conditionnée par l'obéissance à Allah. S'il t'ordonne un péché, comme bien même c'est un savant, tu ne dois pas lui obéir. Mais non pas comme disent les Khawarij, qui disent que quand le gouverneur ordonne un péché, alors on lui obéit plus. Ça, c'est une grave erreur. Quand le gouverneur t'ordonne un péché, tu lui obéis pas dans ce péché, mais tu continues à lui obéir dans les choses qui sont une obéissance à Allah ou qui sont permises, qui sont pas des péchés. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Et si vous êtes en désaccord à propos d'une chose, quelle est la solution? Allah, il nous la donne dans ce verset. Il dit: فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Forcément, il va y avoir des désaccords entre les musulmans dans tous les domaines de la religion. La solution dans le désaccord et dans les divergences, Allah, il dit: فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Renvoyez-le, faites-le revenir à Allah et aux messagers. Il n'a pas dit faites-le revenir aux savants, comme la première obéissance. L'obéissance à Allah et aux messagers est une obéissance absolue. L'obéissance au gouverneur, à ceux qui détiennent l'autorité, c'est une obéissance conditionnée par l'obéissance à Allah. Par contre, dans le cadre des désaccords et des divergences, on les renvoie à Allah et à son messager. On les renvoie à Allah comme les savants ont dit, on les renvoie à Allah, c'est-à-dire on les renvoie à son livre et on les renvoie au messager. Pendant son vivant, on lui renvoie ses questions de désaccord à sa personne, et après sa mort, on les renvoie à sa sunna, à sa tradition authentique. Tout ça, mes frères, démontre que la sunna du prophète alayhi salam est un argument en soi-même, est un fondement capital dans la religion de l'islam. Également dans la sunna, beaucoup de hadith ont été rapportés dans le suivi de la sunna. On va voir quelques-uns. Et que le suivi de la sunna et du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam est une sauvée pour le croyant, est une sauvée pour le musulman dans ce bas monde et dans l'au-delà. Selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit: khataba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wada'i faqal: ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada كتاب الله وسنتي. صححه الشيخ الألباني رحمه الله. Donc, dans ce hadith, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a fait le serment dans son pèlerinage d'adieu, son seul pèlerinage qu'il a accompli alayhi salatu wassalam. Et il a dit dans ce serment, parmi les choses qu'il a dit, il a dit, ô vous les gens, ô vous les hommes, en s'adressant aux gens, il a dit, inni qad taraktu fikum. Je vous ai laissé. Ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada. À quoi si vous vous accrochez? À quoi si vous vous cramponnez? Vous ne serez jamais égaré. Allahu Akbar. C'est quoi cette chose au messager d'Allah? Si on s'y attache et on s'y cramponne et on s'y accroche, on sera jamais égaré après toi au messager d'Allah. Il a dit Kitab Allahi wa sunnati. Le livre d'Allah et ma sunna. Et ma sunna. Également, parmi ce qui a été rapporté dans les deux authentiques, l'authentique de l'imam al-Bukhari et l'authentique de l'imam muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, « Man ata'ani, faqad ata'a Allah, wa man asani, faqad asa Allah. » Celui qui m'obéit, le prophète alayhi salatu wassalam dit, « Celui qui m'obéit, alors il a obéi à Allah. Et celui qui me désobéit, alors il a désobéi à Allah. وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي. Et celui qui obéit à mon émir, ou celui qui obéit, dans cette version, celui qui obéit à l'émir. L'émir, yani celui à qui on a confié une responsabilité, celui qui est désigné pour une mission, pour une fonction par l'autorité. Celui qui lui obéit, alors il a obéi au prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui lui désobéit, il a désobéi au prophète alayhi salatu wassalam. Également dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon Abu Huraira radiallahu anhu toujours, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Toute ma communauté entreront au paradis, excepté celui qui s'y refuse. Allahu Akbar. Il y a quelqu'un qui se refuse d'aller au paradis? Naam. Oui. Il y a des gens qui se refusent d'aller au paradis. Le messager, alayhi salam, et les compagnons se sont posé la question dans un étonnement au messager d'Allah. C'est qui se refuse à aller au paradis? Il a dit, man ata'ani dakhal al-jannah, wa man asani faqad aba. Celui qui m'obéit ira au paradis. Et celui qui me désobéit, alors il s'est refusé d'aller au paradis. Et ça, c'est clair que la désobéissance au messager alayhi salatu wassalam est une désobéissance à Allah. Et celui qui désobéit au prophète alayhi salatu wassalam, il s'est refusé d'aller au paradis. Qu'Allah nous en préserve tous. Également, dans le Musnad et dans Sunan Abi Dawud, selon le Miqdam Ibn Ma'di Karib, radiyallahu anhu, le messager alayhi salatu wassalam a dit, « Ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'a. » Écoutez bien ce hadith. Ce hadith est extrêmement explicite dans l'importance du suivi de la sunna, mais en plus, il nous montre une certaine catégorie qui vont apparaître dans la communauté avec une prétention, avec des beaux slogans, mais ça cache le poison. Ça cache le poison. Il dit, alayhi salatu wassalam, « Ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'a. » Certes, j'ai reçu le livre et son semblable avec. Le semblable du livre, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. comme on a vu, ce sont les deux révélations. Les deux révélations, le livre d'Allah et la sunna authentique de son prophète, alayhi salatu wassalam, sont sur un même point d'égalité du point de vue de l'argumentation. Du point de vue de l'argumentation et de la législation. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, ala yushiku rajulun shab'anun ala arikati. Bientôt, il va y apparaître une catégorie de gens, et il a décrit un homme bien répu, bien rassasié, un homme qui a bien mangé, assis sur son canapé ou sur son divan. Et il dit, alaykum bihadha al-Qur'an, tenez-vous au Qur'an. C'est un beau slogan. Il appelle les gens à suivre le Qur'an. Il y a s'attacher au Coran. Et ensuite il dit, فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّهُ. Cet homme qui est bien répu, assis sur son divan, en recommandant aux gens de se tenir au livre d'Allah. Avec des ambiguïtés comme vous pouvez entendre aujourd'hui encore. Ils disent la sunna, on n'est pas sûr. Est-ce que c'est authentique ou pas, contrairement au Coran? Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir des hommes qui ont travaillé la sunna. Et comme il a permis la préservation du Qur'an, il a permis également la préservation de la sunna et la préservation des autres sciences qui nous permet d'avoir la bonne compréhension du Qur'an, notamment les sciences de la langue arabe. Et combien les ennemis de l'islam ont essayé de falsifier dans ces sources de l'islam, mais alhamdoulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ces sources comme il nous a promis de préserver sa religion. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Donc cet homme, il dit, tenez-vous au Coran, ce que vous trouvez licite dans le Coran, croyez en son licité. Et ce que vous trouvez dans le Coran, haram, illicite, croyez en son illicité. Ce hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc, il leur ordonne de se tenir au Coran et de suivre uniquement le Coran. Alors que le prophète عليه الصلاة والسلام a reçu les deux révélations, le Coran et la Sunna. Et dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام nous met en garde contre ces da'wah qui appellent à suivre le Coran tout en délaissant, tout en boycottant la Sunna. Car en réalité, cette da'wah représente une vraie contradiction, une réelle contradiction. Tu ne peux jamais suivre le Coran sans suivre la Sunna. Comme tu ne peux jamais suivre la Sunna sans suivre le Coran. Le Coran et la Sunna sont les inséparables et sont tous les deux, les fondements représentent les deux grands fondements de l'islam. Et on va voir, yani, parmi les raisons pour lesquelles on ne peut jamais séparer le Coran de la Sunna. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous met en garde contre les propos de cet homme qui appelle à se tenir au Coran. Et les hadiths dans ce sens sont très nombreux. Donc le devoir pour toute la Ummah, toute la communauté, tout muslim, toute muslima, parmi les hommes, comme parmi les djinns, parmi les arabes, comme parmi les non-arabes, l'obligation pour eux tous est d'avoir la plus haute considération pour la tradition et la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé alayhi salatu wa sallam, et de lui accorder un grand estime. et de la suivre dans tous les domaines de la religion, sans exception. Et non pas comme disent certains innovateurs, certains égarés. On doit suivre la sunna du moment qu'elle est authentique, qu'elle soit parmi l'ahad ou parmi le mutawatir. Du moment que c'est authentique, on doit la suivre dans tous les domaines de la religion. À commencer par l'aqida, le dogme, la croyance du musulman. La croyance du musulman, c'est la chose la plus importante dans notre religion. La chose la plus importante et la plus obligatoire dans cette religion. Et il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'islam sans la croyance. La croyance du musulman qui est d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Allah Azza wa Jal dit, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en ordonnant à son noble prophète de dire à sa communauté, il lui dit Allah, il ordonne à son noble prophète de dire à toute la communauté de leur dire Inna salati, ma salat, ma prière, mes invocations. La salat englobe les cinq prières et les autres prières surrogatoires que les croyants pratiquent quotidiennement et également les invocations. Donc, dis-leur que ma salat, mes invocations, wa nusuki, mon sacrifice, quand t'égorges au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et t'égorge pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour une créature, car c'est une forme d'associationnisme. Donc dis-leur ma salat, mon nusuk. Nusuk, c'est le sacrifice et c'est aussi tous les actes de dévotion. Tout ça, wa mahyai, ma vie, c'est-à-dire les choses sur lesquelles je vis, et ma mort, tout ça appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Ça, c'est le muwahhid. Ça, c'est celui qui a unifié Allah. Tous ses actes, toutes ses adorations, tous ses actes de dévotion sont voués à Allah exclusivement. La sharika la. Sans associer. Wa bidhalika umirt. Et dis-leur que c'est ça qui m'a été, c'est l'ordre qui m'a été donné par Allah, de lui vouer un culte exclusif et sincère. Et dis-leur aussi que t'es le premier des soumis, t'es le premier des muslimines dans cette communauté. Alayhi salatu wassalam. Dis-leur que toutes ces adorations, je les voue à Allah seul. Non pas pour les idoles, pour les statues, pour les morts, pour les djinns, ou pour autre qu'Allah. Toutes les adorations, c'est le droit d'Allah seul. Et le droit du prophète, alayhi salatu wassalam, la plus noble des créatures, c'est le suivi, et non pas l'adoration. Car c'est un serviteur d'Allah, c'est une créature d'Allah, un serviteur qui ne peut être adoré, un serviteur qui doit être suivi, car Allah l'a choisi comme messager pour cette communauté jusqu'à la fin des temps. Et pour les humains jusqu'à la fin des temps. On doit suivre la sunna aussi dans toutes nos adorations, dans tous nos actes, dans toutes nos paroles et aussi dans tous nos délaissements. Naam. Naam, tu dois suivre la sunna dans tous les actes d'adoration. Et dans toutes les paroles avec lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, c'est pas suffisant, tu dois la suivre aussi dans toutes les choses que tu délaisses. C'est-à-dire, tu délaisses tout ce que ton prophète, alayhi salatu wassalam, a délaissé comme adoration. Et tu ne fais que les adorations qu'il t'a enseignées. Chaque chose avec laquelle tu te rapproches d'Allah et qui n'a pas été enseignée par le prophète, alayhi sallam, délaisse-la, car c'est pas un bien. Tout bien qui te rapproche d'Allah, tout bien qu'Allah aime, le prophète, alayhi sallam, nous l'a enseigné. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Allah, il nous dit dans le sens, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés après que les preuves leur furent venues. Et ceux qui se sont mis à disputer, qui sont entrés dans des discordes et dans des divergences et dans des querelles, car ceux-là auront un énorme châtiment. Tu dois suivre la sunna dans toutes tes adorations. Chaque adoration que tu accomplis, tu dois premièrement la faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la première condition. La sincérité. Et c'est la signification de la ilaha illallah. Et c'est la signification de ce verset que tu répètes minimum 17 fois par jour. Iyyaka na'bud. Tu dis, oh Allah, je t'adore seul. Toutes mes adorations sont pour toi. Et c'est la signification de la parole qui te sauvera si tu rencontres Allah avec cette parole. La ilaha illallah. Alors ne dis pas la ilaha illallah et à côté tu vas vouer des adorations à des mausolées, à des tombes, à des morts, à des djinns, à des arbres, à des pierres. Non. Tu contredis ta parole avec ton acte. Ne dis pas la ilaha illallah et après, t'as des croyances dans ton cœur. Allah, il voit ce qu'il y a dans ton cœur. Comme il entend ce que tu dis. Rien n'échappe à sa science, subhanahu wa ta'ala. Il est l'omniscient. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Ne dis pas la ilaha illallah et après, tu crois que un tel biyadihi an-naf'u wad-dharr. Un tel, c'est lui qui repousse le mal et c'est lui qui t'apporte le bien. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui an-nafi'u ad-dar. Et ainsi de suite, parmi toutes les croyances qui s'opposent à la croyance de Tawhid, la croyance qu'avait le prophète alayhi salam et ses nobles compagnons, la croyance qu'avaient tous les imams de la sunna, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, wa Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Et c'est la croyance sur laquelle était l'imam Malik ibn Anas, qui est l'imam qui est suivi dans le domaine de l'fiqh, dans la plupart de nos pays africains. C'était un imam dans la sunna, un imam dans le tawhid, un imam dans la science d'une manière générale. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit également, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Celui qui fait un acte dont le prophète n'a pas enseigné, n'a pas donné l'ordre, ça sera rejeté. Allah n'accepte que l'acte d'adoration qui a été fait pour lui sincèrement, conformément à la tradition de son prophète, alayhi salatu wassalam. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, Allah n'accepte jamais une adoration. Ne te fatigue pas. Si tu veux te fatiguer dans l'adoration, et ça c'est un immense bien pour toi, car tu gagnes ton repos dans l'akhira, et tu gagnes ton bonheur dans le dunya avant l'akhira. Wallahi, l'être humain ne peut connaître le vrai bonheur dans cette dunya avant le bonheur de l'akhira, de l'au-delà, qu'en se conformant à la religion d'Allah. Et plus il se conforme à cette religion, plus il aura de bonheur dans cette dunya avant l'au-delà. Et le prophète alayhi sallam a dit également, Iyyakum wal bid'ah. Il nous a mis en garde contre les innovations. Les innovations qui sont l'opposé de la sunna, les innovations qui représentent des adorations avec lesquelles le serviteur cherche à se rapprocher d'Allah, mais qui n'ont pas été enseignées par le prophète alayhi salatu wassalam, qui n'ont pas été légiférées par le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, ça contredit ta deuxième attestation de foi. Ta première attestation de foi, ashhadu an la ilaha illallah. La deuxième, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quand tu dis ça, ça implique des choses. C'est pas une simple parole qu'on dit avec la langue. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu dois croire en la véracité de sa prophétie et de tout ce qu'il t'a rapporté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois lui obéir dans ce qu'il t'a ordonné et t'écarter de ce qu'il t'a interdit. Et tu ne dois adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré, exclusivement. Et non pas adorer Allah avec les coutumes et les traditions sur lesquelles on a trouvé les gens. D'où l'importance de la science. Et c'est ça la cause de faire triompher cette communauté. C'est de la ramener au livre d'Allah et la sunna authentique de son noble prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs à leur tête, les compagnons radiyallahu anhum, qui sont les meilleurs de cette communauté, la meilleure génération de cette communauté. Et justement, parmi les paroles de ses compagnons radiyallahu anhum, pour voir la voie sur laquelle ils étaient, ils ont beaucoup de paroles dans lesquelles ils appellent leurs élèves, ils appellent ceux qui sont venus après eux à suivre la sunna et à s'éloigner de l'innovation. Parmi ces paroles, la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce grand compagnon, il dit, dans laquelle il recommande le suivi du prophète alayhi salam, il dit « Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum » Il dit « Suivez et n'innovez pas, car on vous a suffi. » Non, on vous a suffi, car la religion a été parachevée. La religion a atteint son point d'aboutissement. Et il n'y a plus possibilité de rajouter quoi que ce soit dans l'adoration et dans la religion. Cette religion est complète, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit. اليوم أكملت لكم دينكم. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Cette religion a atteint son point d'aboutissement. Également, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a dit: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. Cette parole, elle est très bénéfique et très profitable, comme toutes ces paroles, dans laquelle Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a dit: chaque innovation, chaque hérésie dans la religion est un égarement, quand bien même les gens la voient comme un bien. Naam. Car beaucoup de gens, quand ils font des innovations, et bien évidemment les innovations, c'est uniquement dans les adorations. Il n'y a pas d'innovation dans les interdits. Il y a un voleur, il n'y a pas d'innovation quand il vole. C'est un péché. L'innovation, c'est uniquement dans les adorations, dans les choses avec lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a jamais entendu quelqu'un qui se rapproche d'Allah en volant les biens des gens. Donc l'innovation, c'est uniquement dans l'adoration. C'est pour ça la personne, quand elle n'a pas la science, elle peut penser que l'innovation, c'est un bien. Abdullah ibn Umar, il répond à ça, il réfute toutes ces personnes. Il dit, chaque innovation est un égarement, quand bien même les gens la voient comme un bien. Chaque adoration qui n'a pas été enseignée par le prophète, c'est une innovation et c'est un égarement. Comme bien même tu peux voir qu'il n'y a pas de mal en cela. Car Allah, il aime qu'il soit adoré avec ce qu'il a légiféré et non pas avec ce que tu as inventé ou ce que les gens dont ta tribu ont inventé. Allah, il aime qu'il soit adoré avec ce qu'il a légiféré. Et ce qu'il a légiféré, c'est ce que le prophète, alayhi salam, nous a enseigné. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu a également dit, alaykum bil istiqamati wal ittiba' wa iyyakum wal bid'a. Il dit, tenez-vous à la droiture et au suivi, et soyez en garde contre les innovations. Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhuma kadhalik dit, السنن السنن فإن السنن قوام الدين. Cramponnez-vous, attachez-vous à la sunna, car la sunna, c'est la base de la religion. Hudhayfa ibn al-Yaman également a dit, chaque adoration qui n'a pas été pratiquée par les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ne la pratiquez pas, car le premier n'a rien laissé pour celui qui est venu après. Naam, le premier n'a rien laissé pour celui qui est venu après. La religion a été parachevée avant la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et avec sa mort, plus personne ne peut rajouter une adoration. Plus personne ne peut inventer un dhikr et l'appeler wird de tariqa une telle ou de tariqa une telle. Al-wird, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné. C'est l'unique wird qui existe. Amma, à chaque siècle, à chaque génération, il y a des gens qui viennent et qui inventent des nouvelles tariqas, et chacun il invente son nouveau, son wird, et il invente des mérites qui n'ont aucun fondement de ce wird. Ce wird, il ne te rapproche pas d'Allah. Tu veux te rapprocher d'Allah, prends l'adhkar qui ont été rapportés du prophète alayhi salatu wassalam, et limite-toi à cela. Ici, je vais vous relater une parole de l'imam al-Barbahari pour son importance dans son livre Sharh al-Sunnah. Il dit, rahimahullah, « وَحْذَرْ صِغَارَ الْمُحْدَثَاتِ مِنَ الْأَمْرِ فَإِنَّ صَغِيرَ الْبِدَعِ يَعُودُ حَتَّى يَصِيرَ كَبِيرًا. » Il dit, « Sois en garde contre les petites innovations. » Étant bien l'oreille à ces paroles de ce grand imam, l'imam al-Barbahari. Il a dit, sois en garde contre les petites innovations, car les petites innovations ne cessent de grandir jusqu'à devenir grandes. Et ainsi, toute hérésie, quand elle est inventée dans cette communauté, au début, elle est petite et elle ressemble à la vérité. Et c'est pour ça que certains sont leurrés par cela, par le fait qu'elle soit petite, une petite innovation, et par le fait qu'elle ait des ressemblances avec la vérité qui est la sunna, et ils tombent dedans. Et ensuite, il a dit, rahimahullah, et ensuite, ils ne peuvent plus s'en sortir. Il est plus possible pour eux de s'en sortir de cette innovation dans laquelle ils sont tombés, jusqu'à ce qu'elle grandit, elle devient immense. Et ça devient une religion pour eux. Ça devient l'équivalent de la sunna. Quand tu les appelles à la délaisser, ils te disent, tu veux qu'on délaisse la sunna, alors que c'est une innovation à la base. Et ainsi, ils s'écartent de la voie droite et ils sortent de l'islam. Naam, il peut sortir de l'islam si jamais c'est une innovation de mécréance ou s'il rejette la sunna, s'il rejette la sunna. Mais l'innovation, comme vous savez, à la base, c'est inférieur, ça n'arrive pas jusqu'au degré de la mécréance. Mais l'innovation, elle est placée dans l'ordre de gravité, elle est au-dessus des grands péchés. Naam. L'innovation, elle est plus grave que boire l'alcool, que faire zina, que ces grands péchés, que faire riba, les innovations sont plus graves et ils sont inférieurs à l'associationnisme. Mais l'innovation, comme les savants le précisent, elle se rapproche plus de l'associationnisme que du grand péché, que du grand péché. Et nous allons comprendre pourquoi. Ensuite, il a dit, فَانْظُرْ رَحِمَكَ اللَّهِ. Alors, regarde qu'Allah te fasse miséricorde. Tout ce que t'entends de la part des gens de ton époque, et ne te précipite pas, ne te hâte pas à mettre en pratique une chose jusqu'à ce que tu interroges et que tu regardes, est-ce que c'est une chose qui était pratiquée par les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ou pas? Et si tu trouves quelque chose qui vient d'eux, alors à ce moment-là seulement, pratique-la et limite-toi à ce qui a été rapporté des compagnons radiallahu anhum, et ne t'écarte pas de leur voie, sinon tu tomberas dans le feu de l'enfer. Et c'est pour ça l'imam Malik rahimahullah a dit وَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذٍ دِينًا فَلَنْ يَكُنَ الْيَوْمَ دِينًا, dans sa parole très célèbre. Il a dit ce qui n'a pas été une religion à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam ne sera jamais une religion. Ce qui n'était pas une adoration à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam ne sera jamais une adoration après lui. Les adorations, c'est ce qu'il a enseigné. Et c'est ce que ses compagnons ont rapporté. Allah Azza wa Jalla dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai mené votre religion à son point d'accomplissement. Elle est parachevée. Je vous ai comblé de ma grâce tout entière. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion unique. Donc l'islam qu'Allah nous a agréé, c'est l'islam sur lequel était le prophète alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons. Également, on doit suivre la sunna dans nos transactions, dans nos ventes et nos achats. On doit suivre la sunna dans nos comportements, d'une manière générale, que ce soit le comportement du musulman avec son épouse, avec ses enfants, le comportement du musulman avec ses voisins, avec ses frères en Allah, et ainsi de suite. L'imam Sufyan al-Thawri rahimahullah dit "In istata'ta an la tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al." Si tu peux ne pas frotter ta tête qu'avec un athar, c'est-à-dire avec un argument, alors fais-le. Et ça démontre comment était le suivi de la sunna chez nos pieux prédécesseurs. Et qu'il l'a suivi dans toute chose. Dans toute chose. Et on est dans le domaine du religieux. Bien évidemment. Car la sunna, c'est elle qui explique le livre d'Allah. C'est elle qui clarifie le livre d'Allah. C'est elle qui nous montre les choses subtiles qu'on peut ignorer dans le livre d'Allah. Et celui qui médite le Coran, il voit cela clairement. Allah Azza wa Jalla dit وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Nous avons fait descendre en révélation vers toi le rappel pour que tu montres aux hommes ce qui leur est révélé. Donc ça, c'est la mission du prophète, c'est d'expliquer aux gens ce qui leur a été révélé et de le clarifier et de le détailler. Alayhi salatu wassalam. Et il dit dans un autre verset, وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Nous avons fait descendre sur toi le livre en révélation que pour que tu leur expliques à propos de quoi ils sont en désaccord et pour que ce soit une guidée, une miséricorde aux hommes qui croient. Donc tout ça nous montre le rôle du prophète alayhi salatu wassalam et l'importance de sa sunna. Et que celui qui ne suit pas la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et qui s'en détourne, alors il aura délaissé tous ses dalils, tous ses arguments, tous ses versets de le Coran, tous ses ahadiths. Et aussi ce qui a été rapporté de nos pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde, yani leurs paroles sont extrêmement nombreuses dans ce sens-là. Je vais me limiter à quelques-unes, notamment la parole de l'imam Malik rahimahullah. Il a dit, en rapportant une parole de Omar ibn Abdul Aziz, un des meilleurs califes qui est venu après les quatre califes bien guidés, Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Il a dit, سن رسول الله عليه الصلاة والسلام وولاة الأمر من بعده سننا. Il dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a instauré une tradition, ainsi que les détenteurs du commandement après lui, les califes bien guidés, radiallahu anhum, les quatre califes bien guidés, qu'Allah les agrée, il a instauré une tradition. الأخذ بها تصديق لكتاب الله. Celui, يعني son suivi, le suivi de la tradition du prophète عليه الصلاة والسلام, est une foi au livre d'Allah. Est une foi en le livre d'Allah. واستكمال لطاعة الله. Et c'est une obéissance à Allah. Et une force dans la religion d'Allah. Celui qui la suit, c'est-à-dire la sunna, il sera guidé. Et celui qui cherche à triompher en s'appuyant sur la sunna, il sera victorieux. Et celui qui déroge à la sunna, celui qui suit autre que la sunna, il aura suivi autre voie que celle des croyants. Il aura suivi autre voie que celle des croyants. Et Allah le fera brûler dans la gêne. Et quel horrible sort! Celui qui suit autre voie que celle des croyants, Allah le dirigera vers ce qu'il s'est choisi lui-même et le fera brûler dans la gêne. Et quel horrible sort, wal'iyadu billah. L'imam Az-Zuhri, rahimahullah, comme a rapporté l'imam Al-Lalaka'i, a dit « Kana man mada min ulama'ina yaqul al-i'tisamu bis-sunnati najat » L'imam Az-Zuhri, rahimahullah, a dit que les savants d'après lui, l'imam Az-Zuhri, c'est un cheikh de l'imam Malik. Il a dit que ceux qui étaient avant lui parmi les hommes de science, ils disaient « Al-i'tisamu bis-sunnati najat » L'attachement et le cramponnement à la sunna est une sauvée. Et il faut savoir que cet attachement et ce cramponnement à la sunna n'est pas spécifique aux compagnons, n'est pas spécifique à l'époque du prophète alayhi wassalam, mais ceci et pour toute la communauté jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour de la résurrection. Car cette législation de l'islam est une législation valable pour toute époque et pour tout lieu, jusqu'au jour de la résurrection. Car le prophète, alayhi sallam, c'est le messager pour tous les hommes. Allah azza wa jalla dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Il a dit « Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashira wa nadhira » Nous ne t'avons envoyé pour l'ensemble des hommes que pour faire heureuse annonce et avertir. Donc le prophète alayhi sallam est envoyé pour tout le monde. Il est envoyé pour les djinns comme pour les hommes, pour les arabes, comme pour les non-arabes, pour les hommes, comme pour les femmes, pour les riches, comme pour les pauvres, envoyés pour les gouverneurs, comme pour les gouvernés, jusqu'au jour de la résurrection. Et il n'y aura plus de prophète après lui, ni de messager, car il est le sceau des prophètes, il est le dernier des prophètes, jusqu'au jour de la résurrection. Et quand certains égarés, yani la sunna, on la suit. Car, comment on peut comprendre le Coran? Comme j'ai dit, ça c'est une contradiction. Cette prétention de vouloir suivre le Coran sans la sunna. C'est une contradiction. C'est pas possible. La sunna, elle clarifie le Coran, elle l'explique, elle le détaille. Et elle peut ramener des jugements qui ne sont pas cités dans le Coran. Quand un homme a dit dans une assise de Imran ibn Hussein, radiyallahu anhuma, le grand compagnon, il a dit, laisse le hadith et parle-nous du Coran, parle-nous du livre d'Allah. Imran ibn Hussein, le compagnon radiyallahu anhu, s'est mis en colère et il l'a fortement réprimandé. Il a dit, laoula sunnah, kayfa na'rifu anna adh-dhuhra arba'a. والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث. Si ce n'était la sunna, comment on aurait su que la prière de dhuhr, elle est de quatre unités. Et l'Asr également quatre, et l'Isha quatre, et le Maghrib trois. Et quand Soufiane, Ayoub Sirtiani, rahimahullah, parmi les tabi'in, il a entendu un homme qui appelait les gens à suivre la sunna, tout en les éloignant, qui appelait les gens à suivre le Coran, tout en les éloignant de la sunna. Il a dit, laissez-le, car c'est un égaré. Ça, c'est un égarement. Et la méthode des gens de l'innovation, c'est qu'ils prétendent suivre le Coran tout en fuyant la sunna, tout en dénigrant la sunna, tout en rabaissant la sunna. Et ça, c'est parmi leurs ruses. Mais ces ruses-là n'ont pas échappé aux compagnons, comme a dit Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il a dit, il viendra des gens qui vont débattre et polémiquer en se basant sur les versets équivoques de le Coran, les versets implicites qui admettent plusieurs sens. Dans le Coran, il y a des versets explicites qui ont un sens unique. Et tu les lis, tu comprends le sens. Il y a d'autres versets qui ont besoin de compréhension plus approfondie. Donc, il viendra des gens qui vont débattre et polémiquer en se basant sur les versets équivoques du Coran. Faites-les revenir à la sunna, car les gens de la sunna sont plus savants du livre d'Allah et connaissent mieux le livre d'Allah que ces égarés qui prétendent suivre le Coran tout en s'éloignant de la sunna. Et Ali, radiallahu anhu, quand il a envoyé Abdullah ibn Abbas pour débattre contre le Khawarij, ceux qui se sont insurgés contre le gouverneur des musulmans, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, il a dit, ne débat pas avec eux en te basant sur le Coran, car le Coran admet plusieurs interprétations dans certains versets, surtout les versets sur lesquels eux ils se basaient. Eux, ils se basent pas, les égarés, ils se basent pas sur les versets explicites du Coran, mais sur les versets équivoques, afin de tordre les coups des textes et de les orienter selon leur passion. Il a dit, mais débat avec le sunna, car ils ne trouveront pas d'issue quand tu leur cites la sunna, sauf la rejeter, et ainsi ils sortent de l'islam. Sache, mon frère, et avec ça je termine, sache que le suivi de la sunna ne peut se faire qu'avec la science bénéfique, la science profitable tirée du livre d'Allah et de la sunna authentique de son prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Ainsi tu pourras connaître la guidée du prophète alayhi salatu wassalam dans tous les domaines de la religion et le suivre. Et soit on garde contre les innovations, car l'innovation c'est l'ennemi de la sunna. L'innovation est plus aimée par Iblis que les péchés, car celui qui tombe dans le péché il peut se repentir, mais celui qui est dans l'innovation en général il se repent jamais, car pour lui de quoi il va se repentir, il ne fait que le bien. Et l'innovation, elle est plus dangereuse pour toi que les grands péchés. C'est pas pour minimiser le danger des grands péchés, mais pour montrer la gravité de l'innovation qui est au-dessus des grands péchés, inférieure à l'associationnisme. Mais elle est plus proche de l'associationnisme que des grands péchés. Allah Azza wa Jalla dit, « Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zim bihi Allah » Ou alors ont-ils des associés qui ont prescrit pour eux dans la religion ce que Allah n'a pas permis? Attache-toi à la science et à l'apprentissage de ta religion, car c'est le seul moyen d'être dans le suivi de la sunna, et sois en garde contre l'innovation et les gens de l'innovation, et rapproche-toi des gens de la sunna, et apprends avec eux qu'Allah nous raffermisse sur sa religion et qu'Allah augmente notre amour pour cette religion et augmente notre science dans cette religion et nous facilite la mise en pratique de ce que nous apprenons. Qu'Allah nous aide à réformer notre intérieur et notre apparence et nous accorde la science bénéfique et profitable et nous facilite les œuvres pieuses et acceptables et nous fasse mourir sur cette religion, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم كالله vous récompense pour votre écoute et pour votre suivi et qu'Allah fasse que ces paroles me soient bénéfiques et profitables à moi le premier ainsi qu'à tous nos frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie encore une deuxième fois et j'espère à une rencontre proche. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.